chez Guillaume. Maman, maman, viens vite! Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Qu'est-ce que tu as? Je suis malade, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Elle touche son front. En effet, tu es tout brûlant. Tu as mal où exactement? Ici, dit Guillaume en se touchant le côté droit. Jacques, réveille-toi! Il faut emmener Guillaume à l'hôpital. Je pense qu'il a une crise d'appendicite. C'est le comble! Après le commissariat, maintenant l'hôpital. Mais qu'est-ce qui va nous arriver encore? À l'hôpital, un chirurgien est en train d'examiner Guillaume. C'est grave, docteur? Demande la mère de Guillaume. C'est bien une appendicite. Il faut opérer tout de suite. 2 heures plus tard... Alors, docteur, comment va-t-il? Demande sa mère. Tout s'est bien passé. Mais pourquoi cette crise? Il a peut-être mangé trop de chocolat. Dit le chirurgien en riant. On peut le voir? Non, pas encore. Il est en salle de réveil. Dans la salle de réveil, Guillaume est en train de se réveiller. L'anesthésiste est à côté de lui. Il porte un masque. Ah, la momie! Elle va me tuer! Arrêtez, vous allez vous faire mal. Au secours, la momie! Il délire complètement. Je vais appeler l'infirmier. L'infirmier arrive. Au secours! Maintenant, il y a 2 momies! Guillaume veut se lever. L'infirmier lui fait une piqûre. Il se calme.